Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Un printemps au temps du confinement, une série collective réalisée par Angélique Thibault et Anne Pérez Franchini. Au départ de cette série, il y a cette année qui semble ne jamais finir et ce mois de mars 2020 qu'on a enregistré à 13 pour garder une trace et on se demandait alors ce que le confinement avait fait à la recherche. Alors pour commencer, les personnages. Un médiéviste qui attend, une anthropologue qui sème, un historien qui collecte des rêves, une neurologue qui compile, un biologiste qui espère, un chercheur amer et un autre devenu cobaye. Ensuite, le décor. Des vaccins, la pluie, la rue silencieuse, au balcon à Paris, un village dans la Seine-et-Marne, des connexions, les États-Unis, des rêves, des cauchemars, des archives, des objets de recherche, le temps et le printemps. Aujourd'hui, 4e épisode. Oui. C'est bon. On s'entend. C'est bon. Un petit-fils et son grand-père à distance. Alors, ma première question, c'est comment as-tu vécu ce confinement ? Comme j'étais au bord de la mer et comme j'étais avec un jardin et une maison que je connais bien chez moi, j'étais heureux. Heureux. La joie. La joie, parce que j'avais l'impression que j'étais au commencement du monde, tu vois, dans un silence total. Tu ne vois pas une voiture, pas une personne, rien. Et tu as l'impression d'être parmi les premiers hommes. Tu trouvais ça assez merveilleux. Je ne dis pas que j'aurais été émerveillé si j'avais été dans un 6e étage à Paris. Hein. Oui, bah oui. Au printemps 2020, on a vécu 55 jours d'une drôle de vie, à l'ombre du coronavirus. Et c'est ce qu'on a voulu vous faire entendre dans cette série fabriquée à 34 mains, avec les moyens du bord et la légèreté de la radio. Dans cet épisode, on se demande ce que le confinement a fait à la recherche, aux chercheurs et à leurs objets de recherche. Bonjour, c'est Bruno Canard, l'appareil. Il est 14h, on vient de déjeuner ensemble avec les membres du laboratoire, à une certaine distance, naturellement, les uns des autres. Normalement, c'est le bureau où on est 5 à 6 personnes, et là, on essaie d'être 2 ou 3, pas plus. Donc, on s'est un peu étalé dans le bâtiment, puisque le bâtiment a été déserté. Et je travaille sur les virus émergents. C'est les enregistrements confinés. Ça nous oblige à inventer des trucs. Il est un peu plus de 7h du matin. Et je rêvais à la radio, justement, à la maison de la radio. Oui, bonjour, Didier Sicard. Vous ne m'avez pas entendu du tout ? Non, parce que je suis à la retraite, donc je suis toujours en train d'écrire, préparer des conférences. Vous m'entendez loin ? À la limite, je suis protégé de... Là, vous m'entendez mieux ? Accessoires de type zapping et ça me permet de me concentrer pour l'essentiel. Par exemple, la correspondance de Pasteur in extenso. Un petit peu mieux ? D'accord. Bon. Et justement, en parlant de lecture, Patrick Boucheron... Je suis confiné chez moi, à Paris, dans un appartement confortable sur le canal Saint-Martin. J'ai coupé ma bibliothèque en deux et ma bibliothèque professionnelle est inaccessible pour l'instant, puisque j'ai la chance d'avoir un grand bureau au Collège de France où j'ai mis tous les livres d'histoire médiévale. C'est-à-dire, en fait, je suis obligé de faire avec ce qu'on a autour de soi. Et c'est ça qui est, d'une certaine manière, l'expérience. Quoi. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est le printemps, le tout début des semis. Et voilà, donc ce que change le confinement radicalement, c'est de pouvoir vivre une saison, et la saison la plus intense en fait, en termes d'activité de plantation. Voilà. Tous nous ont dit que malgré nos efforts pour le freiner, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes, le virus continue de se propager. Là, ce que vous entendez, c'est le merle que j'ai enregistré par la fenêtre de ma salle de bain. Je n'y avais jamais fait attention avant, et il a fallu le confinement, cette sensation de nid, de grotte, d'abri ou de cabane dans les arbres, qui a été le privilège des confinés confortables, pour que je remarque qu'il était là tous les jours, à la même heure, à tenter d'annoncer le printemps. Alors je me suis mise à le guetter et je me suis surprise à respirer le jasmin le soir dans la cour ou à remarquer les bourgeons. Bref, comme beaucoup d'autres, à littéralement voir le temps passer. Petite fille du soleil, le matin va venir. Petite fille du soleil, je dois partir. Petite fille du soleil, je n'ai rien souvenir. Petite fille du soleil, la recherche au temps du coronavirus. Alors, pendant le confinement, oui, j'ai fait un rêve où j'étais au ski et je descendais une piste, j'allais hyper vite, j'étais super fort, je faisais plein de pirouettes, plein de trucs. Au bout d'un moment, je dépasse tout le monde et je tourne. Et je tourne au mauvais endroit. Et là, l'animatrice me dit « Mais t'es parti où ? Reviens !» Elle me crie ça. « Va chercher le tire-fesse, parce que les pistes, elles ferment dans 30 minutes. Faut que t'aies le dernier tire-fesse. » Du coup, bah, je le cherche dans la ville. Et après, il y a quelqu'un qui va sortir de nulle part et qui va me faire peur. Et du coup, bah, je vais courir et rentrer dans un bâtiment pour me protéger en quelque sorte. Et ce bâtiment, ce sera bah, une pharmacie. D'accord, ok. Est-ce que comme ça, c'est mieux ? Happy to be with you. Ravi d'être avec vous. Yann Hayden. Je vous appelle de Seattle, État de Washington, où je vis et je suis l'un des participants volontaires à cet essai clinique pour tester un premier vaccin contre le coronavirus. J'ai appris l'existence de cette étude et du vaccin test par un collègue. Il a partagé un lien au travail vers des formulaires pour participer à cette étude. L'étude a commencé en mars et elle est la première à concerner des humains. Je me souviens qu'avant de recevoir ma première injection, je suis arrivé à la clinique tôt le matin et j'étais surpris d'être si calme. Je n'étais pas inquiet alors que je déteste les piqûres. Je suis resté un moment avec une pharmacienne à qui j'ai demandé de voir la seringue. Le liquide était d'une étrange couleur bleue, ça ne ressemblait pas à ce que j'imaginais. C'était translucide et bleu. Avant de me piquer, elle m'a avoué qu'à un moment, les larmes lui sont venues au moment de préparer le vaccin. En regardant cette substance et en imaginant que l'avenir du monde se trouvait peut-être dans cette préparation et dans tous les autres essais en cours. C'est la première fois de ma vie que je suis devenu l'une de ces personnes, que je suis devenu une statistique à travers cet essai. Et c'était une étrange expérience. C'est comme si toute cette opération passait de purement scientifique et professionnel à quelque chose de profondément personnel pour moi. C'est un vaccin à ARN, et ce qui est nouveau, c'est que ce que j'ai reçu, c'est un tout petit morceau du code génétique. Et ce code, il est dérivé du virus. Et si ça marche, c'est censé demander à certaines de mes cellules de commencer à produire temporairement une protéine du virus. C'est une nouvelle manière de vacciner. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. Et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Faisons preuve, au fond, d'esprit solidaire et de sens des responsabilités. On part du coronavirus. Didier Sicard. Bien sûr que le vaccin sera utile, mais le problème, ce n'est pas tellement le vaccin de ce coronavirus. Il va y avoir d'autres coronavirus qui vont arriver. Et c'est de savoir comment... Au fond, la liaison entre le vivant animal et le vivant humain, le vivant moustique, le vivant écologique au sens complexe du terme, le connaître pour se prémunir et être à l'affût des changements qui reviendront de façon absolument cyclique. Et donc, le vaccin ne nous protégera que pour un temps et que pour une situation donnée. Mais la vraie réflexion, c'est pourquoi l'humain est un être très vulnérable dans un monde qui change et qui font que l'écologie animale, l'écologie végétale, elle-même mise à mal, permet l'éclosion de conséquences morbides inconnues jusqu'ici. Et là, il y a un travail en profondeur, mais la société n'a pas tellement envie de financer ce genre de travail parce qu'elle considère qu'elle n'aura pas la réponse immédiate. Et une réponse dans 5 ou 10 ans, c'est le problème de la prévention, ça n'intéresse personne. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Disponible après votre message, après la tonalité. Le virus est en train de s'accélérer. Allô ? Pour rester en ligne, pour accéder à d'autres options. Quelques enfants sur la place. Place de la République. Alors, on est dimanche 3 mai. Et je rêvais à la radio. Tout le monde de la radio va à la cantine en même temps. Et donc il y a comme une grande foule qui se masse dans des grands escaliers. C'est comme un exode en fait. Les gens sont à la fois inquiets, se précipitent un peu, mais en même temps, on n'a pas de masque quand même. Et avec moi, je tiens dans ma main 2 parts de cheesecake cuisinées par ma mère. Je me dis, soit je vais manger que ça, soit je vais manger ça et des légumes à la cantine. C'est le meilleur cheesecake du monde. Et en fait, c'est le cheesecake que m'a donné ma mère hier quand je suis allée lui rendre visite en cachette. En tout cas, en dépit des consignes de confinement. Enfin, sauf si vous voulez vous présenter, mais je vais peut-être vous présenter. Hervé Mazurel, donc vous êtes historien des sensibilités et des imaginaires, spécialiste de l'Europe romantique, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Vous étiez en train de travailler sur un livre. Vous pouvez nous donner le titre ? Oui, l'inconscient ou l'oubli de l'histoire, profondeur et métamorphose de la vie affective. J'ai été très vite saisi par cette question, savoir au fond ce que l'événement, cet événement si cataclysmique qui a fait 3,5 milliards de personnes se confiner pendant plusieurs semaines, pouvait faire à notre vie onirique. C'est la pénétration au fond d'un événement social et historique dans notre vie psychique, qui m'intéresse ici. Ces rêves, à l'époque du Covid-19, sont un terrain aussi pour le démontrer. Et alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour vous le 16 mars 2020 ? J'avais du coup monté peu de temps auparavant avec une amie psychanalyste avec qui je converse beaucoup, qui s'appelle Elisabeth Serin, un laboratoire dit de psychanalyse nomade, petite référence à Gilles Deleuze. Et puis j'avais en tête un livre qui a été sans doute aussi détonateur. C'est un livre ancien de Charlotte Behardt, qui était une proche d'Anna Arendt, une juive allemande qui vivait à Berlin dans les années 30, qui a collecté environ 300 rêves entre 1933 et 1939 pour savoir au fond ce que le régime hitlérien faisait à la vie onirique, à la vie intime des Allemands de son époque. Et en plus, elle a brassé un peu toute la société. Il y a des rêves de femmes de ménage jusqu'au grand patron, en passant par des petits artisans. Elle cherche à montrer comment le régime d'Hitler colonise l'intime. Ce sont des rêves absolument passionnants. Les gens rêvent que les murs de leur maison tombent, que l'État, au fond, arrive à scruter non seulement leurs mouvements, mais leurs pensées. Des gens qui se rêvent avec des micros chez eux, bref. La maison, l'espace du dedans, n'a plus sa fonction protectrice. Les rêves ne font pas que refléter la terreur, ils sont la terreur elle-même. J'avais en tête cette idée de collecte-là, et il nous a semblé avec Elisabeth qu'il fallait être assez vif ici, parce qu'au fond, on ne pourrait pas le faire après. Juste avant, c'est un autre rêve. Alors, l'homme sympa, il nous avait préparé un panier en osier, avec des légumes, quoi, pour survivre. qu'il avait mis dans un petit coin de la cave. Et donc, c'était très... On avait des consignes, en fait, de ne pas aller dans les autres parties de la cave. Et je sais pas pourquoi, je voulais absolument récupérer une pomme de terre supplémentaire. Et je savais que c'était pas bien de voler, surtout qu'il nous accueillait gentiment. Est-ce que nous, il y a un acte de résistance ici? Je ne dirais pas ça, parce que d'abord, on ne fait pas face à un régime, mais face à un virus. Et donc, bien sûr qu'on a envie de lui résister tous ensemble, mais voilà, il n'y a pas un positionnement politique aussi fort. Hein, mais nous vivons une sorte de refroidissement général des relations sociales, avec l'absence de contact, du fait de gestes barrières. Et donc, on a besoin, sans doute, ici, de faire corps, collectivement, et de savoir comment chacun se porte, et de partager aussi nos rêves, plus que l'accoutumée, je pense. Voilà. Et donc, beaucoup de gens, manifestement, s'inquiètent, sont anxieux d'être contrôlés, parce qu'il y a quelque chose de très intrusif, au fond, de très effractif dans cette pratique, qui rappelle aussi sans doute la période de l'occupation, d'être soumis impérieusement à l'œil de l'État, hein, jusque dans ses désirs les plus intimes. On a peur d'être percé au jour dans ses demi-mensonges. Est-ce qu'on n'est pas sorti deux fois le même jour? Est-ce qu'on n'a pas fait un peu plus d'un kilomètre? Est-ce que de devoir se légitimer ce désir aux yeux de l'État, hein, c'est quelque chose de très perturbant et de très effractif. Ce manque de liberté, il se dit très nettement dans les rêves que nous avons collectés. Coucou tout le monde. Ça y est, on vous entend. Ah, regarde, il y a la Suzon, mais on voit pas le son. Salut, il y a tous tes potes là. Bonjour, Juliette. Bonjour, Juliette. Bonjour, Juliette. Mettre quoi? Un chargeur. Parce qu'il est déchargé ton ordinateur. Je sais pas. Et là, tu vas pas pouvoir le brancher. C'est ça, c'est pas la même... Attends. Viens, maman, je peux pas brancher le truc. Oui, allô ? Oui, allô ? Je m'appelle Bruno Canard, je suis directeur de recherche au CNRS à Marseille. Et je travaille sur les virus émergents, dont la manière... disons plutôt la machinerie qu'ils utilisent pour se répliquer. Et donc, déterminer les structures au niveau atomique de ces merveilleuses petites machines et comment elles fonctionnent. Et évidemment, quand on a compris comment elles fonctionnent, on peut essayer de glisser un grain de sable là, qui s'appelle un médicament dans la machine pour les arrêter. C'était début 2003, en pleine période de l'émergence du coronavirus. À l'époque, les coronavirus étaient des virus d'intérêt vétérinaire. Mais il n'y avait pas de réel pathogène sérieux chez l'homme. Donc, le SARS en 2003 était le premier coronavirus vraiment pathogène humain. Et ça faisait, je sais pas, une centaine de personnes dans le monde qui travaillaient sur le coronavirus, on dira. Il y avait un laboratoire qui travaillait sur le coronavirus en France. On a mis au point un concept avec Christian Cambillo à l'époque, qui était directeur de l'unité dans laquelle j'étais au CNRS, qui posait que il y allait avoir de toute façon des virus émergents et que le meilleur moyen d'y faire face, c'était d'avoir déjà étudié les virus au sens large, toutes les différentes familles de virus, pour que quand un virus nouveau arrive, eh bien, on puisse s'apercevoir qu'il ressemble à un virus qu'on a déjà étudié. Ces cibles virales qu'on proposait d'étudier, qui prennent des fois 5-10 ans avant d'avoir une structure, et de les étudier en avance pour que, quand un nouveau virus arrive, on ait déjà un virus qui soit homologue, qui ait été étudié, et qui nous permette de faire des médicaments. Donc, nous travaillons sur 3 ou 4 familles de virus émergents, donc pas que sur le coronavirus. On travaille aussi sur les flavivirus, la dengue et le virus de Zika, le virus d'Ebola et le coronavirus. Et tous les travaux autres que coronavirus ont été interrompus. Voilà, donc une période assez difficile. J'ai cru qu'on allait avoir quelques personnes qui craquaient, et personne n'a craqué. J'ai jamais cessé de travailler depuis le début de la crise. Ça a été même double peine. J'ai travaillé très, très intensément, comme tous mes camarades. On a des fois peu dormi. Voilà, on est un peu sur les nerfs. J'adore, tu rêves, vous êtes fous, les modes, j'adore, dans les pangolins. se lève coronavirus, on déjeune coronavirus, on travaille coronavirus, on se relaxe coronavirus. Ah oui, mais toi, en fait, tu fais pas du tout ce qu'ils disent. Parce que sur le tuto, ils disent que ça sert vraiment à arrêter le fil. Toi, tu coupes carrément au milieu, quoi. Je t'ai dit pour moi, l'important, parce que sinon, j'arrive trop avec du gâchis, des choses qui ne marchent pas. Ouais, mais ça arrête pas les fils. Du coup, ça va s'effilocher. On aura des masques avec des fils. Voilà, ce que je t'ai dit. Je me dis, mais c'est pas très grave qu'il y ait des petits fils, c'est dit. Ce que vous entendez, là, c'est l'énorme orage qui a éclaté le 9 mai et qui s'est terminé par une pluie interminable et sauvage. Comme pour marquer la fin du confinement et de ce printemps bizarrement insolent. Concrètement, justement, qu'est-ce que ce serait ces recherches sur le terrain qu'il faudrait mener pour pouvoir envisager mieux l'apparition de ces prochains coronavirus? C'est d'abord de connaître, de travailler beaucoup plus sur les espèces de chauves-souris. Il y en a à peu près, je sais pas, 1200 espèces. Comment leur comportement nocturne, comment elles sortent, comment elles se nourrissent, quels sont les rapports écologique qu'il y a dans les grottes entre les divers animaux qui l'occupent. Quand on coupe une forêt, si on la remplace par autre chose, est-ce que ça change le comportement des chauves-souris? Comment les habitants clandestinement achètent, vendent? Parce que je pense que manger une chauve-souris ou manger un pangolin n'a vraiment aucune importance, mais en mettre 1000 ensemble entravés est une catastrophe. La recherche doit être aussi dans le domaine économique, anthropologique, et pas simplement dans un laboratoire savoir si tel ou tel virus est porté par la chauve-souris. Ça suppose travailler en profondeur avec l'objectif de bien comprendre les rapports à l'intérieur du vivant entre le végétal, l'animal et l'humain. La recherche, elle doit accepter avec humilité, non seulement de ne pas tout savoir, mais de partager la connaissance avec des disciplines qui sont a priori très loin. Si on n'a pas d'ordinateur, on a l'impression qu'on ne peut pas faire de recherche. Or, on peut faire de la recherche avec peut-être un ordinateur, mais aussi avec un filet à papillon et avec des bottes et de rentrer dans une grotte. Et à ce moment-là, c'est peut-être plus riche à long terme que simplement d'être avec son ordinateur dans son microscope. Contactons notre médecin traitant. N'appelons le SAMU et ne nous rendons à l'hôpital qu'en cas de forte fièvre, de difficulté à respirer, sans quoi ils ne pourront faire face à la vague de cas graves qui déjà se profile dans certaines régions. Mais ça pourrait justement créer des vocations, cette image du chercheur aventurier qui arpente les grottes. Oui, absolument. Mais j'ai le sentiment que c'est ça peut-être la responsabilité de l'État. L'État ne donne pas de signe d'encouragement parce qu'il délègue à des scientifiques purs et durs le soin de sélectionner les chercheurs. Si l'État disait... Eh bien écoutez, je mets de l'argent sur des recherches interdisciplinaires et que je privilégierai dans les appels d'offres disciplines qui mettent en même temps des chercheurs animaux, végétaux, humains sur le terrain. Eh bien, à ce moment-là, les chercheurs, ils viendraient. C'est pourquoi les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Pour moi, il n'y a pas plus grande fierté que de sortir une magnifique miche de pain maison que j'ai faite moi-même, et c'est jamais pareil et la fierté n'arrête jamais. Oui, oui, tout à fait. Ce qui s'est passé en 2008, surtout, c'est la crise financière qui a frappé le monde entier, qui a réduit les finances et les envies de financer ce genre de projet beaucoup. La réduction a été brutale. Il y a plusieurs causes aussi. Il y a l'apparition des technologies de séquençage deep sequencing qui sont une réelle avancée dans la connaissance de la génétique, le suivi des épidémies, qui a beaucoup capté l'attention des possibilités de financement de la recherche. Donc l'anticipation, comme nous l'avions prévu, est devenue moins intéressante pour le point de vue des financeurs, je pense. En 2008 aussi, la mentalité a changé. Il a fallu qu'on rende beaucoup plus de comptes aux gens qui financent les programmes. Et une espèce de mentalité d'urgence s'est mise en place, où on voulait des résultats tout de suite, tangibles. Et donc tout ce qui est vu et réflexion des choses sur le long terme s'est trouvé, à mon avis, un peu délaissé. La biologie structurale, à ce moment-là, a connu, disons, une révolution avec l'apparition des microscopes cryo-EM, donc microscopes électroniques à haute résolution. Mais la France n'a pas pris le tournant. Des gros microscopes, il y en a plus de 20 en Angleterre et plus de 20 en Allemagne. En France, on en a 3. Là, en ce moment, toutes les structures qui arrivent de cryo-électromicroscopie, à de rares exceptions près, elles viennent de Chine, d'Allemagne, des États-Unis. C'est sûr, on était dans les débuts des années 2000 jusqu'à 2010 et tout, on avait une bonne avance. En fait, moi, je prends l'exemple du coronavirus. On avait une bonne avance, ça fonctionnait bien. Et donc, maintenant, on se retrouve dans une situation où on a des difficultés à trouver des crédits de recherche pour fonctionner correctement. On a donné nos résultats aux autres qui publient à notre place. Et nous, on n'a pas d'argent pour faire la recherche. Donc oui, c'est humiliant, ça rend en colère, ce genre de choses. Ce système de fonctionnement, ça marche pas bien. On peut pas du jour au lendemain trouver un médicament, une parade ou de la recherche intelligente la veille pour le lendemain. C'est pas possible. On le voit bien, hein, ce qui se passe à l'heure actuelle aussi, c'est exactement de la recherche en réaction sur le coronavirus. On a eu les appels flash de l'ANR où tout d'un coup de l'argent qui était 2 millions d'euros, il passe à 3 millions d'euros, puis finalement il passe à 15 millions d'euros pour réagir immédiatement contre le coronavirus. C'est pas fin, à mon avis, ça. Hein. Je sais que, d'un point de vue politique, ça pose un problème, parce que les mandats, c'est 4 ou 5 ans, et les gens ne veulent pas envisager des choses à 10 ans, à 15 ans. Pourtant, pour les virus émergents, c'est la seule chose qu'il faut faire. Quand on déroule le fil chronologique de cette épidémie, ce qui ressort, c'est l'incohérence et le déni. Par exemple, on a oublié qu'en janvier, les restaurants asiatiques à Paris étaient déjà désertés et que si, début mars, on était fascinés par les Italiens confinés qui chantaient sur leur balcon, on ne se sentait pas du tout concerné. Le Covid était un truc exotique, un peu comme le nuage de Tchernobyl. Le 10 mars, certains ne font plus la bise, mais par contre vont au cinéma ou au théâtre. Et si le 14, je pense revenir à la radio régulièrement, le 13, je commande un puzzle de 2000 pièces, juste au cas où. Bref, je n'ai jamais reçu mon puzzle, mais j'ai fait un journal de confinement, et le 16 avril, Christophe est mort à Brest, et ça, je m'en souviens très bien. Et garder des traces, collecter des archives pour plus tard, c'est ce qu'ont fait la plupart des chercheurs. Frédéric Claver, qui a recensé des tweets liés au Covid, Sébastien Jung, qui a demandé aux lycéens de récolter des récits de confinement, Armel Andro, qui a inventorié nos vies sexuelles confinées, Joanie Caillouette, qui scrute la cohabitation, ou l'INSEE, qui a produit des statistiques pour que les chercheurs aient des données à se mettre sous la dent. Hervé Mazurel, recueil des rêves. Une rêveuse nous dit de s'être réveillée brutalement suite à l'impression d'avoir un nid de rat dans sa main. Un nid de rat, alors elle nous explique qu'elle est phobique à l'égard des rats, mais derrière tout ça, il y a aussi bien sûr un autre imaginaire, et là on sent vraiment le travail de déplacement du rêve. Donc, derrière la figure du rat, bien sûr, il y a une autre pandémie, hein, celle de la peste. Le rêve de peste peuvent être rapprochés, bien sûr, de nos inquiétudes contemporaines. On a sans doute beaucoup à apprendre aussi des épidémies de choléra ou de fièvre jaune du début du 19e siècle, la façon dont les gens ils réagissaient à cette époque-là. Mais en même temps, ces gens-là n'avaient pas du tout les mêmes croyances ni les mêmes convictions scientifiques que nous. Ils n'avaient pas Louis Pasteur entre eux et leur rêve, quoi. Voilà, ils n'attendaient pas un vaccin comme nous le faisons aujourd'hui. Il y a des résonances, bien sûr, hein, d'une époque à l'autre, très fortes, mais je dirais qu'il faut commencer par s'en méfier, voilà, pour ne pas réduire l'altérité des gens d'autrefois, ne pas ramener l'autre au même trop vite, voilà, une identité à travers le temps. Alors, on est lundi 4 mai. Et cette nuit, j'ai rêvé que je rendais visite à mes grands-parents. Et en fait, mon premier mouvement, ça a été de les embrasser, de les toucher. Et seulement après que j'ai fait ce premier mouvement, je me suis rappelée qu'il ne fallait pas, qu'on n'avait pas le droit. Et je crois que ma famille cherchait comment me gérer, que faire avec moi. Est-ce qu'il fallait que les autorités policières, peut-être, s'emparent de mon cas? Il y a un très beau rêve qu'on a reçu d'un monsieur d'un certain âge qui, justement, raconte qu'il était dans un train dans lequel il entend le conducteur dire que le train, finalement, ne s'arrêtera pas aux gares prévues, hein, mais seulement à la gare, à la destination finale. Et ce monsieur, à chaque station, même si le train s'arrête pas, voit un membre de sa famille ou un proche avec ses valises, qui est sans doute quelqu'un qu'il espérait récupérer en route. Hein, il ne peut pas les toucher, il ne peut pas les embrasser, il ne peut pas leur dire adieu. Il est emporté par le train. Il essaye d'ouvrir les fenêtres, il n'y parvient pas. Hein, et il est emporté par ce mouvement en laissant sa famille, ses amis sur les quais de la gare. Je m'apprêtais à lancer un séminaire et un cours au Collège de France sur l'histoire de la peste noire. Oui, donc là, vous étiez bien malgré vous, complètement, on pourrait dire, raccord avec qu'est-ce qu'on peut faire comme comparaison entre l'épidémie de peste noire médiévale et aujourd'hui l'épidémie du Covid. Malheureusement, et je le dis vraiment sincèrement, c'est-à-dire que dans un premier temps, certains croyant me faire plaisir me disaient « Ah bah dis donc, t'as eu du flair, ça tombe bien », mais moi je trouve que ça tombe pas bien du tout. En réalité, c'est tout le contraire. Je sais pourquoi je suis venu à ce sujet, pas du tout pour des histoires épidémiques, au fond, c'est autre chose qui m'intéresse. Et aujourd'hui, oui, c'est la prolongation d'un travail personnel. Voilà, c'est aussi, ça. Sur la ville de Sienne, sur la question de la politique des municipalités, sur la question du bon gouvernement, et on pense à cette fresque justement que vous avez étudiée. C'était pour des raisons politiques. Vous avez raison. J'avais fait un livre sur la fresque du bon gouvernement peinte par Ambrogio Lorenzetti à Sienne en 1338, c'est-à-dire 10 ans avant la peste noire. Ambrogio Lorenzetti va être une des victimes de la peste noire. Et au fond, ce que cette peinture donne à voir, c'est une peur, qui est une peur politique, qui est en train, au fond, de se faire happé par la peur biologique. Et puis une catastrophe d'une telle ampleur change au fond si peu de choses, ou pas tout de suite, ou pas comme on le pense, etc. Et donc ce que je cherche au fond, c'est des situations où l'histoire est en aveu de faiblesse. Alors c'est paradoxal, parce que je vais toujours la chercher là où elle est apparemment la plus glorieuse. Donc là, ça serait, je vais vous raconter une formidable aventure de recherche, puisque nous avons craqué l'ADN du germe de l'agent pathogène de la peste. C'était en 2018, hein. C'est pas non plus, nous savons depuis 2018 que la peste de Justinien, que la peste noire et jusqu'à la peste de Chine, qui permet à Alexandre Yersin, en 1894 à Hong Kong, d'identifier l'agent pathogène, que c'est la même épidémie, et on peut raconter cette histoire. Et donc, c'est une formidable avancée de l'histoire, et en même temps, elle nous laisse tout aussi démunis. Voilà. Donc, c'est cette situation-là qui m'appelle et qui m'inspire. Donc, c'est vraiment pas le moment de faire le malin avec ma science. Donc, alors, je suis pas tout seul. Hein. J'avais un séminaire qui devait commencer fin avril. Je le co-organisais avec Étienne Anaheim. Lui aussi, il est dans une réflexion, et on s'est dit qu'on devait se donner le temps d'observer ce que le temps, le nôtre, celui que nous vivons collectivement, fait à celui qu'on s'était choisi comme objet d'étude. Voilà. Qu'est-ce que l'aujourd'hui fait au passé? Voilà. Ça serait trop facile de dire, ça tombe bien. Voilà. Vous voyez dans quelle merde on est. Je vais vous en décrire une pire encore. Bon. Non, on peut pas faire ça. Il faut trouver un chemin qui doit être plus long, plus difficultueux, plus surprenant, au fond. Plus caché, plus difficile. Mais pour ça, il faut du temps. Disposer l'objet de recherche devant soi et le voir changer. C'est le printemps. Il y a les vaches qui traversent le pied dans le pré d'en face. Hein. Elles viennent d'aller boire dans la cure. Petite pluie fine là qui tombe sur les champs. Du soleil, je dois partir. Petite fille du soleil, je garde un souvenir. Petite fille du soleil, nos délires. Alors, je suis chercheuse au CNRS. Geneviève Pruvot. À l'École des hautes études en sciences sociales, au Centre d'études des mouvements sociaux. Je suis sociologue du travail, du mode de vie écologique et des questions de genre. Voilà. Le confinement est arrivé au mois de mars et quand on est parti, la chose que j'avais le plus précieuse entre mes pieds, prête à décoller si on avait un accident, c'était mes semences. Et je me suis dit, ah bah ça, je suis sûre que je suis en train d'accomplir un geste immémorial. Je pense que tous les gens du monde qui ont vécu grâce à leurs semences, c'est la chose. Ils ont dû tout abandonner, mais ça par contre, ils partent avec. Donc du coup là, moi, me retrouver moi-même en continu dans un espace villageois, et donc avoir un resserrement de mon espace, mais aussi de mon temps autour d'un lieu, c'est une expérience qui me permet de complètement réfléchir à nouveau sur comment les sociétés paysannes d'avant motorisation, d'avant téléphonie mobile vivaient, et quel rapport au temps, à l'espace, aux autres, ça impliquait. Enfin, je ne dis pas que c'est possible de faire ce voyage dans le temps, mais en tout cas, moi, du fait que mes voisins ont 83 ans et 77 ans et que du coup, je discute énormément avec eux par-dessus la haie, je suis en prise directe avec leur propre perception. Et la première chose qu'ils me racontent à chaque fois, c'est que ça leur rappelle le temps d'avant. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui du paillage. Donc on prend de la paille et autour des pieds des plants, on paille et du coup, il n'y a pas d'évaporation. Et cette année, comme l'an dernier, on décide de rechercher de la paille et on va voir l'unique producteur de paille bio du coin qui nous dit, on arrive, il dit, ah là, c'est terrible, il n'y a plus de paille en fait. J'ai tout vendu, avec le confinement, tout le monde a lu des bouquins de permaculture, j'ai plus de paille. Et donc là, je rediscute de ça avec ma voisine qui m'avait déjà dit plusieurs fois, ah bon, vous paillez, ah bon, bah nous, quand on avait besoin de pailler, on allait dans la forêt, puis on allait récupérer des fougères. Donc je fonce dans la forêt chercher ce qui est derrière chez moi. Et donc là, je commence par récupérer de la fougère, ce qu'il en reste, elle est à demi tombée à terre. Puis quand je comprends que vraiment on n'aura pas de paille et qu'on fait un méga potager, là je refonce une semaine plus tard dans la forêt, il y a encore moins de fougères, mais cette fois-ci je pars avec un énorme sac. Et là, la voisine qui me voit faire tous ces allers-retours m'explique, bah, vous savez, nous, on allait avec un grand drap, hein, tout simplement, c'est très léger, pouf pouf, on met la fougère, c'est simple, donc je repars avec un drap. Enfin bref, et donc si vous voulez, il faut être mis dans la situation de non-approvisionnement pour tout d'un coup comprendre que depuis le départ, ma voisine me voyait faire quelque chose qui lui paraissait absurde dans son monde à elle, en fait. Et qu'elle avait raison de trouver absurde, en fait. Nous vous proposons ici une technique de pétrissage manuel très simple. On va mélanger tous les ingrédients ensemble dans la cuve. Voilà. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme dans ce contexte. Et en restant chez vous, occupez-vous. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Bien sûr. Et du coup, vous qui êtes donc maintenant en train de transformer en livre votre habilitation à diriger des recherches, est-ce que ce confinement vous a fait changer des choses, réécrire des paragraphes, rajouter une conclusion ? Je vais accorder une place à l'expérience physique de l'espace, à portée de main et de pied, si vous voulez, beaucoup plus importante Encore. Alors on va faire quelque chose de très simple. On va joindre les mains devant. Ça va être comme ça. Et ensuite on va lever les bras au ciel très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Et on va tirer. Et on relâche. Et bah du coup, moi je vais me rapprocher, voilà. Patrick Boucheron, est-ce que vous avez, vous, des premières choses dans ce que vous avez vécu là aujourd'hui qui a fait changer un tout petit peu la focale ou le regard que vous aviez sur vos objets de recherche? Ce que je comprends mieux et ce que je devrais travailler à déplier, c'est une fois de plus la question de la condition historique. Voilà. C'est-à-dire de l'événement, de l'attente, de l'espérance déçue, du déni, de notre capacité à être informé et à ne rien voir, à être en capacité de voir et ne pas regarder, avoir tout à disposition et ne pas comprendre. Et voilà, ça recommence. Être développé, l'obéissance, c'est aussi quelque chose qui intéresse inévitablement celui que je tente d'être, un historien des pouvoirs. Voilà, j'étais un des 37 millions de Français devant sa télévision à attendre ce qu'allait dire le président de la République. Et il paraît qu'il a fait 94% d'audience, j'admire les 6% qui regardaient autre chose. Et au fond, je me suis rendu compte que, voilà, je n'avais jamais eu cette expérience-là d'attendre une parole politique qui allait me dire ce que j'avais le droit de faire. Plus profondément, je me dis que c'est le moment aussi de rappeler ce que ça nous fait de traverser un événement historique et de nous laisser traverser par lui. Une des questions, au fond, que je me pose sur l'histoire de la peste noire en tant qu'historien, c'est que finalement, cet événement majeur a laissé relativement peu de traces dans la documentation, ou les traces qu'il a laissées dans la documentation sont des manques, sont des lacunes. Ce que l'on voit essentiellement dans les archives, c'est qu'elles n'y sont plus, c'est qu'elles manquent. Voilà. Et des archives, enfin des témoignages, une narration de l'événement en cours, il n'y en a pas tant que ça. Donc ce rapport entre l'expérience et la narration, le fait qu'on ne raconte pas toujours ou immédiatement ou de manière transparente ce dont on a l'expérience, c'est quelque chose qui évidemment m'intéresse et c'est pas une révélation, mais je le verrai différemment, oui bien sûr. Vendredi 24 avril, Paris, sur les grands boulevards. Alors attendez, hop, je fais un petit test. Est-ce que... Bonjour, je m'appelle Perrine Ruby. Vous êtes Vous m'entendez ? Ouais. Oui. Ouais. Vous êtes chargée de recherche au Centre de recherche de neurosciences de Lyon et vous avez lancé une enquête. Oui, alors mon intention initiale première, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de savoir à quoi les gens rêvaient pendant cette période. Et du coup, au moment où j'ai regardé les résultats, on était environ à un mois de confinement. Et en moyenne, les gens avaient dit qu'ils avaient eu deux cauchemars, ce qui semble tout à fait conséquent. Les gens qui rêvent d'avoir transmis ou de s'être vu transmettre le virus sexuellement. Et là, tout ce qui affleure, c'est que la génération... qui a été baigné dans l'imaginaire du sida. Donc des rêves de contamination, des rêves des morts aussi, de nos morts. Que faire de nos morts? Et là, je crois que ça, c'est quelque chose de très fort. Le sentiment, c'est souvent des rêves pétris de culpabilité. Le fait qui inquiète beaucoup, c'est la solitude des mourants, des agonisants, sans pouvoir dire au revoir, sans pouvoir entourer aussi la mort, des rituels. Tout cela prépare très probablement des deuils très difficiles à faire, voire insurmontables. On a vu les gens rêver davantage, notamment des citadins, rêver davantage de leur habitat, de transformer leur habitat. Imaginer des cabanes sur leur terrasse, d'aller dormir à la belle étoile sur le toit. Et tout d'un coup, je pense que tout le monde a senti pendant cette période ce qu'est une assignation à résidence. Comment rester en contact avec nos proches pendant le confinement ? Une pause café avec ses collègues en visio et des soirées entre amis. Les semaines passeront plus vite. Alors, je ne peux pas nous voir. Enfin, c'est pas que je peux pas vous voir, c'est que je vous pouvez pas, vous pouvez pas me voir. Pourquoi ? C'est ça. Essayez de cliquer, Alain, sur démarrer la vidéo en bas. Et on continue de tous applaudir à 20h à nos fenêtres. Voilà, moi, tout ça me rend plutôt confiante. Alors, par rapport à quand tu dis on enregistre, est-ce que tu, est-ce que, parce que j'ai pas suivi vraiment beaucoup, excusez-moi, mais ça y est, c'est décidé de qui fait quoi et comment et ou pas du tout. Non, mais normalement, ça va marcher. Hein. Oui, ok. Alors, je rentrais de l'école et il était minuit, donc il était très tard. Et il y a mon frère qui rentre après moi, puis ensuite il y a mon père. Et mon père, il me demande si j'ai vu maman, parce qu'elle était censée avoir travaillé à la maison. Mais moi, j'avais pas vu maman. Et je lui dis, mais du coup, c'est qui la personne qui est dans le bureau ? Et il me dit, mais il y a personne à part maman à la maison et tout. Et du coup, genre, je commence à paniquer, je commence à pleurer, c'est horrible. Et du coup, mon père, il prend une batte de baseball et il va dans le bureau pour assommer du coup la personne qui est dans la maison. Et c'était ma grand-mère qui s'était échappée de sa maison. Et du coup, après, bah, on pleurait tous et c'était horrible. Le sommeil et le rêve retraitent l'information de manière à ce que l'émotion diminue en intensité et qu'on ait un petit peu digéré ça et qu'on arrive à ne pas accumuler, mais à avoir réussi à faire la part des choses entre l'émotion et le souvenir, et donc que ça soit tout à fait adaptatif. Et du coup, on a aussi vu des rêves dont on a l'impression qu'ils sont dans la catégorie un petit peu compensation, ou des rêves de fête avec beaucoup de gens, beaucoup d'interactions, des gens qui sont heureux, qui rigolent. Il y a une personne qui a rapporté un rêve et qui disait qu'elle rigolait encore en se réveillant. Et puis, on peut ranger les rêves érotiques dans les rêves d'évasion. Les rêves érotiques, ce sont aussi des rêves de compensation psychique. Tout d'un coup, on va chercher des plaisirs que la monotonie des jours quotidiens ne nous donne pas. On a besoin du contact de l'autre, du contact des chairs, de la proximité sexuelle pour faire face à la désensualisation, à la désérotisation de notre vie sociale. Pendant l'Antiquité et au Moyen-Âge, on a longtemps pensé que les rêves étaient surtout prémonitoires. Ouais, et au Moyen-Âge, les rêveurs étaient un peu sommés de dire leurs rêves au collectif. Et puis, avec le XIXe siècle, on a pensé de plus en plus que le rêve était avant tout l'expression du passé. Ce que montre très bien, par exemple, le sociologue Bernard Lahir, avec qui j'ai pu travailler, et qui a produit une somme très importante, qui s'appelle l'interprétation sociologique des rêves, que dans nos rêves, il n'y a pas seulement ces passés traumatiques ou ces passés d'hier, il y a les soucis du quotidien. Mais le rêve est aussi, et ça, les neurologues qui travaillent sur le rêve nous donnent aussi des indications là-dessus, que le rêve est aussi un espace de jeu où on construit les futurs, un espace ludique en quelque sorte, où on s'affronte à nos futurs possibles. Et donc, en ce moment, je dirais que les rêveurs jouent plus à s'ouvrir des futurs qu'à, à ruminer des passés, en quelque sorte. Merci beaucoup, Hervé Mazurel. Je vais aller vous reposer, peut-être faire une sieste. Oui, je crois qu'ils vont se réveiller dans pas longtemps, malheureusement. Bah oui. Portez-vous bien et on s'y enjue. Alors, je quitte la réunion. Bisous. Oui. Salut. Salut. Est-ce que en tant qu'historien, en tant que chercheur aussi, en tant que médiéviste, c'est aussi du grain à moudre pour les recherches que vous aviez en cours ce moment-là, ou au contraire, alors, on est dans quelque chose de l'ordre de la sidération ? Sidération, c'est un mot qu'on a commencé à utiliser lors des attentats. Il y a eu, autour de 2015, un mouvement d'appel à la recherche. On se souvient d'un mail du CNRS qui disait de manière comme une injonction, sur le même ton au fond que celui que le président de la République Nicolas Sarkozy avait jadis utilisé pour dire tous au front des origines de la France et de l'histoire de l'identité nationale. Là, c'était tous sur le pont de l'histoire de l'islamisme politique, du terrorisme et de la déradicalisation. radicalisation. Pour moi, c'est une expérience funeste, terrible, et aujourd'hui, d'une certaine manière, ce qui n'a pas eu lieu par rapport à 2015, en 2020, c'est une tentative de mobilisation générale par, disons, les pouvoirs publics. Je n'ai pas vu, par exemple, un grand appel à l'histoire transpériode et transdisciplinaire des épidémies. Il y a aussi des enjeux puissants derrière cette épidémie, mais je vois bien, nous voyons bien que autour, certains l'utilise comme expérimentation sociale, y compris du point de vue de l'enseignement et de la recherche. Parce que je veux dire, ça fait longtemps que des forces qui sont organisées et puissantes tentent de nous convaincre du fait que, au fond, pourquoi des universités? Pourquoi des amphithéâtres? Nous avons des prothèses numériques. Heureusement qu'on les a, parce que sinon on pourrait rien faire. Mais les utilisant, on se rend compte plus évidemment que ce ne sont que des prothèses. Moi, d'une manière générale, si on parle de recherche, je serais vraiment sur la ligne qui est une ligne politique et morale de, bah, au fond, de ce qu'a été la communauté SIDA. C'est-à-dire que la communauté SIDA, aujourd'hui, dans la fin des années 90, défendant le droit des malades dans une démocratie sanitaire, reconnaissant leur savoir sur la maladie. Tout cela, il faut y réfléchir parce que, d'une certaine manière, il y a une rechute violente du pouvoir médical. Mais à ce moment-là, l'important, c'était de considérer que, au fond, les malades étaient des réformateurs sociaux, comme le disait Daniel Defer, mais que la maladie elle-même n'était pas une expérience, qu'il n'y avait rien à attendre, rien à espérer de la maladie, qu'il ne fallait pas la considérer comme un laboratoire. Et ça, c'est quelque chose qui est, au fond, une ligne morale. Donc, je n'attends rien de la maladie. J'attends qu'elle passe et qu'elle ne nous tue pas. C'est la seule position un petit peu digne. Et ben voilà, c'était la dernière question de cette interview. Ça te va ? C'était très bien, toutes tes réponses étaient super. Comment j'arrête l'enregistrement, maman ? C'est REC ? J'appuie sur REC. Ça n'a pas marché. J'ai choisi moi-même en fait de ne pas faire comme les autres concerts. C'est moi le chanteur qui fait le rappel. C'est moi, en fait, c'est moi qui me rappelle, vous voyez. Comme ça, je suis sûr d'être là. Ouais. C'est ça de saluter avec vous. Quoi. Merci à Armel Andreau, Patrick Boucheron, Bruno Canard, Joanie Caillouette, Frédéric Claver, Yann Haydon, Sébastien Young, Hervé Mazurel, Geneviève Pruvot, Perrine Ruby, Didier Sicard, Bernard Stiegler et Jean-Marc Tréluyer. La recherche au temps du coronavirus. Un documentaire de Perrine Kervran, Alain Lefkovitch, Mathias Méji, Jérôme Sandlars, Richard, Antoine Tricot, Johanna Bedeau, Camille Jusa, Uldi Bayou, Rémi Dibovski-Douate, Émilie Chaudet, Najma Bouakra, Valérie Borst, Bernard Lanier, Pauline Mocor, Valérie Lavalard, Anne Pérez, Marie-Vonne Abolivier et Angélique Thibault. Confiné, déconfiné, vacciné, contaminé, convalescent, Covid long ou rêveur, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter avant d'écouter Christophe, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, nous parlerons surveillance numérique. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.